que j'avais troqué mon consistant contre des boîtes de lait, eh bien, ça nous a rendu service. Parce que pendant la guerre, quand les Allemands ont pris de l'avance, les voisins, le matin, vous avez entendu à la télévision, les Allemands ont encore avancé, Eh bien, je disais non, parce que nous n'entendions rien, nous n'avions plus de poste. Oui. Et tout le monde, les voisins, donc, se faisaient beaucoup de mauvais sens, tandis que nous, nous nous couchions en nous disant, ben, peut-être que demain, ça ira mieux. Et nous dormions mieux. Vous aviez de l'espoir alors. Et nous avions de l'espoir malgré tout, vous voyez. Mais les gens écoutaient quand même les nouvelles. Et oui, on écoutait la BBC aussi. La radio anglaise. En cachette, c'était brouillé par les Allemands.